Nous allons commencer par la prière. Notre bon Père du ciel, ça nous donne un sentiment de sécurité de savoir que ta parole est toujours vraie. Ça ne veut pas dire que notre interprétation est toujours correcte, mais nous savons que ta parole est vraie. Donc, ça nous donne une assurance qu'on peut aussi référer et s'y fier. Nous demandons de nous guider aujourd'hui dans notre étude, chapitre 4, afin qu'on puisse être des enfants qui te glorifient de jour en jour. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Avant de faire chapitre 4, on va faire ce qu'on fait d'habitude, on va faire un petit résumé. Une des choses qu'il faut se rappeler, c'est écrit à une église qui était en désordre, théologiquement parlant, et aussi dans la piété. Quand j'emploie le mot piété, je ne sais pas si ça résonne la même chose que vous, pour vous dans votre tête. La piété, c'est l'exercice de la foi. C'est ce qu'on veut dire par... Les impies, ils ne pratiquent pas la foi. Les pieux pratiquent la foi. Donc, il y avait un désordre. C'est pour ça que Paul le voit, avec son expérience apostolique et de ses années de vie chrétienne. Il voit, en allant à Éphèse, qu'il y a des problèmes. Et il demande, ou exige, ou ordonne à Timothée de rester et de mettre un peu d'ordre là-dedans. D'essayer de ramener l'Église dans la ligne de l'Évangile. Je vous ai déjà dit, l'Église est rarement dans la ligne. Elle tendance à aller vers la gauche ou la droite, elle se promène, elle revient au milieu. Parce qu'on est des imparfaits, on ne peut pas toujours dire c'est toujours parfait ce qu'on dit, c'est toujours parfait ce qu'on fait. Donc on est là, et donc c'est pour ça que Dieu a donné la capacité de se redresser à travers les Écritures. Les Écritures, c'est notre ligne. Donc il faut revenir aux Écritures constamment pour qu'on puisse garder la ligne de l'Évangile, moi j'appelle ça comme ça. Donc il dit, il y a des gens dans l'Église qui enseignent d'autres doctrines. Et on va voir dans le chapitre 4 aujourd'hui qu'il y avait des faux docteurs. Donc, les faux docteurs, des fois, ils enseignent, soit changent la doctrine, d'autres fois, ils amènent d'autres doctrines. OK? Donc, d'autres doctrines, c'est pas des doctrines bibliques, c'est d'autres affaires. Donc, on va voir aujourd'hui, il va en nommer dans notre texte aujourd'hui, quelque chose que lui va appeler des fois des faux discours, des discours profanes, des fables, des contes. Il va y avoir différents noms pour le faire. Et on a tendance dans les églises à ajouter des choses, ou des fois on enlève. Vous savez, dans l'Apocalypse, ça finit en disant « Malheur à celui qui ajoute ou qui enlève à ce livre de la prophétie, et s'il le fait, son nom va être retranché du livre de la vie. » Donc, c'est la tendance. On enlève et on ajoute. Et on a de la misère à rester dans la vérité. Et si vous lisez l'histoire de l'Église, vous allez voir assez vite, ça se promène. Des fois, c'est loin, assez loin que ça casse, ça tombe. Et des fois, ça va trop loin vers la gauche, puis ça fait la même chose. Donc, il faut travailler à rester au milieu pour bien glorifier notre Dieu. Parce que le but, ce n'est pas juste d'être au milieu. Il y a un but d'être au milieu. C'est qu'on glorifie Dieu quand il est au milieu. C'est là qu'on le glorifie le plus, quand on est au milieu, parce qu'on est en train de dire « c'est toi qui as la vérité, c'est toi qui nous donne la vérité, c'est toi qui nous as écrit la vérité. » Et on a vu aussi qu'il y avait certaines personnes utilisaient mal la loi, donc de façon illégitime. Ils ont utilisé la loi du côté des Juifs, et probablement aussi du côté des Grecs, parce que les Grecs avaient aussi des lois et des règles. Donc, ils utilisaient probablement aussi mal. Mais je pense que c'est plutôt certains Juifs qui utilisaient mal la loi de Moïse. Et ça, on le voit à la grandeur du Nouveau Testament. À la grandeur du Nouveau Testament, les Juifs ont tendance à vouloir emmener un peu. Des fois, ils emmènent pour faire une séparation entre les croyants, et d'autres fois, ils emmènent parce qu'ils veulent traîner la loi avec eux autres. D'autres fois, c'est pour ajouter au salut, comme Paul va parler dans Galates. Il voulait ajouter la circoncision au salut. Donc, il y a des façons de faire. Et si vous regardez les différents mouvements judéo-chrétiens à travers le monde, vous allez voir qu'il y en a qui ont enlevé certaines choses, puis il y en a qui ont ajouté certaines choses. Si vous les regardez, il y en a qui ont tellement enlevé que ce n'est plus l'Évangile, ou ils ont tellement ajouté que ce n'est plus l'Évangile non plus. Donc, il faut que tu gardes ce que le Seigneur a donné comme tel. Là, je ne suis pas contre, je ne parle pas aussi de tradition, de façon de faire, je ne parle pas de ça. On doit se réunir à 2 heures, on doit se réunir à 10 heures, on doit se réunir le vendredi si on veut ça. Je ne parle pas des traditions. Les traditions, c'est correct. Ou les façons de faire, c'est correct. Mais il ne faut pas que ça vienne soit ajouter ou changer quelque chose à l'Évangile. Donc, si vous dites, ben, si vous ne réunissez pas dans vendredi, vous n'êtes pas des bons chrétiens. Là, on a ajouté. Okay? On fait des choses qui ne sont pas correctes. Et donc, il faut bien garder que tu peux faire de quoi, ça peut être très bien, mais si tu en fais une règle de sainteté ou une règle d'acceptation ou d'approbation pour la part de Dieu, tu décroches, tu t'en vas trop loin dans ce sens-là. Et pour arriver à faire ça, pour arriver à redresser l'Église, l'apôtre Paul va donner à Timothée différentes choses à faire dans l'Église. Pour redresser l'Église et la garder. Écoute, quand elle va être redressée, il va essayer de la garder, là. Et il a dit des choses. On va aller au chapitre 3. Il dit, les serviteurs que dans l'Église doivent être des gens qui ont une bonne compréhension des Écritures et qui ont une bonne conscience. Et tous les gens qui sont dans l'Église, qui servent dans l'Église, sont des serviteurs. Que tu sois évêque, que tu sois diacre, que tu sois un chrétien qui n'a pas de titre, tu es un enfant de Dieu, tu es un serviteur de Dieu. Donc, les serviteurs doivent avoir une bonne compréhension de la parole de Dieu et avoir une bonne conscience ou une conscience pure ou une mise en pratique qui va de pair à l'enseignement. Ça, il dit, avec ça, tu vas redresser ce que j'ai vu, c'est ce que j'ai vu de mon expérience, ce que j'ai lu dans l'histoire. Le redressement va prendre du temps. Ça ne se redresse pas dans une journée. Ça ne se redresse pas par toi, une série de messages, de 5 messages le dimanche matin, et l'Église a redressé. Je peux dire quelque chose de nouveau, mais emmener notre vie à changer pour s'adapter à ce nouveau-là, c'est une autre histoire. Okay? Donc, on peut dire. Je peux passer et dire, oh, on va changer cette façon de comprendre les Écritures, on s'est trompé, on change, mais là, il faut que j'adapte ma vie avec ça, c'est pas vrai. Et là, ça prend un peu plus de temps, des fois. Donc, il y a toujours un espace-temps, et des fois, on va voir, même dans le Nouveau Testament, les Églises, ça va prendre du temps. On a Timothée ici. Première épître à Timothée, on a une deuxième épître à Timothée. On avait la première épître à Thessaloniciens, l'Église avait des erreurs, mais on a une deuxième épître, ça veut dire qu'il s'est passé quelques années, et c'est pas encore droit comme Paul voulait que ça soit droit. Donc ça prend du temps à le faire. Donc il faut juste le comprendre, c'est comme ça, et on prend du temps à ajuster notre doctrine et notre façon de vivre. Parce que la doctrine, elle a un but, c'est d'emmener ma vie à refléter la doctrine. À refléter que je suis un enfant de Dieu, à refléter qui est mon Dieu, qui est mon Sauveur. Donc, ça prend toute une vie, je pourrais dire, on s'en va de même toute notre vie chrétienne. Je ne suis pas en train de dire qu'on va se sanctifier, on va changer notre chair. Non. C'est ce que Paul va appeler, mettons, le renouvellement de l'intelligence, ou une meilleure compréhension de Dieu, une meilleure compréhension de ce qu'il a dit, et automatiquement, notre vie s'ajuste avec les changements. Okay? On l'a tous connu un petit peu pendant la pandémie. On a été obligé d'ajuster nos vies. Vous savez, ça n'a pas été facile, hein? Ça a duré 2 ans. Il y a eu toutes sortes de problèmes, toutes sortes de difficultés. On a essayé d'ajuster nos vies avec les nouvelles normes qu'on nous donnait. Et ça a causé des conflits, ça a causé des difficultés. Certains étaient rébellions, d'autres ont été. Il y a toutes sortes de façons. Et la même chose dans la foi. C'est comme ça aussi dans la foi. Donc, ce n'est pas quelque chose que tu changes du jour au lendemain. C'est comme l'épître, Timothée, il ne suit pas, on sait depuis quand. Et Timothée doit régler sa vie, réajuster sa vie, remettre sa vie en ordre sur différents niveaux. Enfin, parce qu'il va dire, dans les épîtres, il va dire à Timothée, tu as suivi correctement toute la doctrine. Aligne ta vie avec ça. Aligne ta vie avec ça. Donc, c'est pas que tu transformes ta vie, tu enlignes ta vie avec ces vérités-là. Et on va voir aujourd'hui une autre chose qu'il va falloir faire. Si on veut redresser l'Église, et si on veut la garder dans la vérité, et si on veut la garder droite. Et ça, c'est jamais le travail d'une personne. C'est le travail du corps. Tout le corps va s'impliquer à cela. Ici, on va voir aujourd'hui quelque chose qui... On n'emploie pas souvent ces termes-là dans nos vies chrétiennes. On va voir ce que Paul va dire à Timothée. Sauve-toi toi-même. On n'entend pas ça souvent. On aime mieux dire, Seigneur m'a sauvé, j'ai été sauvé. On aime mieux ça, mais quand on voit un texte qui dit, sauve, tu vas te sauver toi-même, oh, là, on dit, ça veut dire quoi, cette histoire-là? Et quelle implication que ça veut dire? Qu'est-ce que je dois faire pour me sauver moi-même? Parce que Paul, je pense que Paul ne dit pas ça à la vue de l'air. C'est quelque chose de sérieux. C'est quelque chose de sérieux pour Timothée, et je pense pour chacun de nous. Parce qu'il va dire, tu vas te sauver toi-même, et tu vas sauver les autres qui t'accompagnent. Donc c'est la job de tout le monde, c'est la job que tout le monde doit être sauvé. Donc, qu'est-ce qu'il veut dire par le mot « sauver » L'apôtre Paul emploie dans les deux épîtres à Timothée, il emploie le mot « sauver » 10-12 fois dans les deux épîtres, avec des sens, avec des nuances. Des fois, il parle du sauver comme Dieu. Dieu nous sauve. D'autres fois, il dit sauve-toi. Puis d'autres fois, il parle au futur. Des fois, il parle au passé. Donc, il faut ajuster ça. Paul va dire dans la deuxième épître, il va dire Dieu me sauvera de toute œuvre mauvaise afin que je sois avec lui dans l'éternité. Donc, c'est pas des termes qu'on emploie souvent, nous, que de dire, ben, Dieu va me sauver cette semaine. On a un peu de misère avec ça, des fois. On a mieux dit au passé, Dieu m'a sauvé. Je me souviens toujours, je pense que je vous l'ai déjà compté, Nouvelle-Écosse, un des deux. On a une conférence, on est 700-800 pasteurs à travers le Canada qui sont là. Des hommes, des femmes, pas tous des pasteurs, mais des hommes, des femmes, des gens qui sont des anciens, d'autres sont des impliqués dans l'Église. Et le gars qui est invité pour prêcher, il se met en avant, puis il dit, on va prier. Il dit, Seigneur, sauve-moi. Amen. Il n'y a personne qui a répondu à Amen, sinon on ne savait plus quoi faire avec ça. On ne savait pas trop quoi dire. Là, tout le monde regardait le gars et dit que s'il n'est pas sauvé, c'est notre jargon, nous autres, là, on n'entendait pas ça souvent. Ben, bon, il nous a expliqué qu'est-ce qu'il voulait dire, parce qu'il a fait ça pour choquer un peu, réveiller l'assemblée. Mais c'était intéressant, c'est une des premières fois dans ma vie chrétienne, je n'étais pas vu dans la foi dans le temps, que j'ai entendu quelqu'un dire ça. J'ai dit, ah ouais, puis ça faisait déjà. De toute façon, j'avais compris, c'était un homme qui était là dans la foi depuis 30-40 ans. Donc, je me disais à moi-même, qu'est-ce qu'il voulait dire par ça? Fait que là, tout le monde était attentif. Là. Qu'est-ce qu'il va dire pour avoir dit une telle affaire? Donc, quand vous arrivez sur des textes de même, ben, il faut vous arrêter et vous dire, mais qu'est-ce qu'il veut dire? Qu'est-ce qu'il veut dire pour pouvoir comprendre? Mais le but ici, c'est toujours le même but. Redresser l'Église et la garder dans la ligne de la vérité. Si on ne redresse pas l'Église avec le temps, puisqu'on s'éloigne de l'Évangile, vous savez ce qui va arriver? Puis personne ne peut être sauvé avec l'Évangile qu'on prêche. Si on est tellement loin de la vraie Évangile, on prêche quelque chose qui n'est plus vrai. Donc, il n'y a personne qui peut être sauvé avec une fausseté. Ça ne peut pas, là. Il n'y a personne qui peut glorifier Dieu si je ne prêche pas non plus la vérité. C'est la vérité qui glorifie Dieu. Donc, si je prêche une demi-vérité, ça glorifie Dieu. Pas sûr. Il faut dire la vérité. Donc, je crois que c'est important. Et là, ici, il va dire, pour redresser l'Église et la garder dans le chemin de la vérité, il faut que tu te sauves toi-même et que tu aides les autres à être sauvés. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Puis il va utiliser dans notre texte un autre mot, qui est le mot salut encore, mais de façon qu'on n'est pas habitué de le faire. Il va dire, Dieu est le sauveur de tous les hommes, et spécialement des croyants. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? C'est, Dieu est le sauveur de tous les hommes. Puis il y en a qui prennent le texte et disent, tous les hommes sont sauvés! Dieu est le sauveur de tous les hommes! Mais là, tu te dis, la misère, pourquoi tu dis, bah, spécialement des croyants? Il a sauvé tout le monde, mais les croyants sont sauvés un petit peu plus, un petit peu mieux. Ça fait quel sens qu'on va y donner à ça? Donc, c'est dans ce sens-là qu'on va essayer de comprendre aujourd'hui. Mais c'est toujours dans le but de redresser. Donc, tu as ta part à jouer, j'ai ma part à jouer pour redresser l'Église et puis qu'elle marche toujours dans la vérité. On va faire lire tout le chapitre 4 par le monsieur qui est ici, là. On va le faire lire. Donc, si vous n'avez pas la même Bible, écoutez, ou donc suivez dans votre Bible. Première épître de Paul à Timothée, chapitre 4. Mais l'Esprit dit expressément que, dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons, par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience, prescrivant de ne pas se marier et de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. Car tout ce que Dieu a créé est bon, et rien ne doit être rejeté, pourvu qu'on le prenne avec action de grâce, parce que tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. En exposant ces choses aux frères, tu seras un bon ministre de Jésus-Christ, nourri des paroles de la foi et de la bonne doctrine que tu as exactement suivies. Repousse les contes profanes et absurdes. Exerce-toi à la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tous, ayant la promesse de la vie présente et de celle qui est à venir. C'est là une parole certaine et entièrement digne d'être reçue. Nous travaillons en effet et nous combattons, parce que nous mettons notre espérance dans le Dieu vivant, qui est le sauveur de tous les hommes, principalement des croyants. Déclare ces choses et enseigne-les. Que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles, en parole, en conduite, en charité, en foi, en pureté. Jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. Ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné par prophétie avec l'imposition des mains de l'Assemblée des anciens. Occupe-toi de ces choses. Donne-toi tout entier à elles, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Je me souviens d'avoir passé du temps avec ces versets-là, avec les témoins de Jéhovah, qui les autres utilisaient les versets pour dire, tu vois-tu, Timothée n'était pas sauvé, et Timothée devait se sauver lui-même. Donc, viens pas me dire que toi, tu es sauvé, et qu'on est sauvé seulement par la foi. Donc, c'était pas... Et j'ai dit, il faudra comprendre le contexte, mais ils ne savaient pas le contexte aux autres, de l'Épître à Timothée. Mais c'est-à-dire qu'on peut dire des choses, on peut même lire la Bible, mais je disais, je te crois quand tu la lis, la Bible. C'est quand tu commences à l'interpréter que des fois je ne te crois pas. Tu dois faire la même chose avec moi. Quand je lis la Bible, tu devrais me croire quand je lis la Bible. Là, tu sais. Mais quand j'interprète, ça peut être un peu différent. L'auteur commence en disant, l'Esprit dit expressément. Vous prenez le temps, ceux qui ont pris le temps de méditer un peu sur le chapitre, l'Esprit dit expressément, où est-ce qu'il va chercher ça, l'apôtre Paul? Il dit que l'Esprit dit que dans les derniers temps, les gens vont abandonner la foi. Il y a des gens qui vont abandonner la foi. Et je me suis posé la question, où est-ce qu'il a été chercher ça, que l'Esprit dit ça? Vous avez déjà fait des recherches un peu? Ou est-ce que l'Esprit avait pu dire de telles choses? Personne n'a fait de la recherche. Donc, c'est, si vous allez dans le Nouveau Testament, dans les Évangiles, Jésus va en parler. Plus on s'en va vers la fin des temps, plus il va y avoir de la fausse doctrine, puis il va y avoir des gens qui s'éloignent de la vérité. Donc, il dit l'Esprit, puis même, comme je vous disais tout à l'heure, c'est toujours un état de choses. On a tendance à s'éloigner. Si vous croyez que vous n'avez pas cette tendance-là, vous êtes juste un peu en danger. Parce que quand on croit qu'on est sur la bonne route, là, vous savez ce qui arrive? On a encore même plus les pancartes. Parce qu'on est sûr qu'on est sur la bonne route. La semaine passée, j'ai appris quelque chose, mais j'étais tellement sûr que j'avais raison. Je n'ai pas fait de recherche, je me suis planté. Mais j'étais sûr que j'avais raison dans ce domaine-là. Et Denise était sûre, puis ma fille était sûre, mais on s'est planté. On n'a pas fait de recherche. Pourquoi? On était sûr qu'on était dans la vérité. Et là, les gens en charge nous ont dit, vous vous êtes planté, vous vous êtes tombé. Ah, OK. Mais si je n'avais pas été sûr, qu'est-ce que j'avais fait? J'allais chercher. Donc, si je pense que l'Esprit ne me dit pas ça à moi, ne me pense pas que j'ai un danger que je m'égare, mais je ne vais pas vraiment prêter attention, je ne vais pas vraiment chercher à comprendre, parce qu'il n'y a pas de danger finalement. Mais il y a un danger que je m'éloigne. Parce que vous êtes des êtres humains, des pécheurs, des gens faillibles. Donc, il y a tendance à s'éloigner. Il y a une partie de nous, de vous, de nous, qu'on appelle la chair. Hein? Vous êtes conscients de ça? Cette partie-là, ne la sous-estimez pas. Est encore bien là. Puis elle, tout ce qu'elle veut faire, c'est vous faire partir de travers. Elle n'aime pas les choses de Dieu, elle ne veut pas les choses de Dieu, et elle veut vous faire partir. Puis elle va faire des faux raisonnements, puis elle va vous amener à croire des choses. Des fois, vous n'allez peut-être pas penser croire il y a 5 ans ou il y a 10 ans. On en voit ici. Vous savez bien que Paul parle ici dans l'Église, là. Il ne parle pas des inconvertis, il parle de l'Église ici. Donc, si dans l'Église, qui avait juste une trentaine d'années, a tendance à s'éloigner, à adhérer à des doctrines de démons, on va essayer de comprendre ça veut dire quoi, ben nous autres aussi, 2000 ans plus tard, on est dans cette même position-là aussi. Donc, il faut rester éveillé. Donc, il dit, dans les derniers temps, l'Esprit nous a dit que dans les derniers temps, ça commence où, ça? C'est-tu 2 ans avant Jésus revienne? C'est-tu 20 ans avant que Jésus revienne? Les derniers temps, c'est là. C'est depuis que le Paul le dit, là, depuis le commencement de l'Église, c'est les derniers temps. Parce que si c'est ça dans les derniers temps, Timothée dit, c'est peut-être loin les derniers temps, c'est pas pour nous autres, ça. Là. Les derniers temps, c'est le dernier jour, les derniers temps, c'est le temps de l'Église. Dans les derniers temps, l'Esprit dit que quelques-uns vont abandonner la foi. Abandonner, ça veut dire que tu as commencé à quelque part. Tu ne peux pas abandonner quelque chose que tu n'as pas. Tu ne peux pas abandonner ta femme si tu n'es pas marié. Tu ne peux pas abandonner une job si tu n'as pas de job. Tu abandonnes quelque chose que tu as. Donc, il y a des gens qui ont fait profession de foi, qui ont cru, et qui, tout d'un coup, pour des raisons X, vont abandonner la foi. Ça, c'est tout le Nouveau Testament nous en parle. Puis on va voir que dans cette épître ici, on en a déjà parlé dans les premiers chapitres. Et dans la deuxième épître, Paul va dire à plusieurs reprises, « Tout le monde m'a abandonné. » Ça va être c'est vraiment une épître démoralisante des fois quand tu lis la deuxième épître. Des fois, il va en nommer par nom. Épilète, Héménée, Alexandre, ils vont nommer des noms, ils ont abandonné la foi pour l'amour du siècle présent, ils vont faire ci, ils vont faire ça. Mais il faut faire attention, ce n'est pas toujours des gens qui renient la foi pour que ça va vivre au bordel. Non, non, non, ils sont encore dans l'Église. Mais ils ont abandonné la foi en étant dans l'Église. Il va dire, Ils ont abandonné la foi du fait qu'ils annoncent que la résurrection est déjà arrivée. Ils ont changé la doctrine. Ils sont encore dans l'Église. Comme Paul va dire aux Corinthiens, qu'ils sont encore dans une Église. L'Église, on dit ça, c'est l'Église aux Corinthiens, donc c'est une Église. Mais si vous ne croyez plus à la résurrection, vous êtes tous perdus. S'il n'y a plus de résurrection, vous êtes perdus. Donc, tu peux avoir des églises perdues. Ça fait partie du risque. Donc, il dit, dans les derniers temps, il y en a qui vont abandonner. Quand ils parlent de la foi, ce n'est pas dire qu'ils ne croient plus, eux, que les autres n'ont plus de foi. S'ils ont abandonné le contenu de la foi, pas leur foi personnelle. Parce qu'ils peuvent continuer à croire à d'autres choses, ils peuvent continuer à croire à d'autres doctrines, ils peuvent continuer à croire à un faux Jésus. Mais ils continuent à croire. Mais ils ont abandonné la foi. Okay? La foi, ça, c'est l'Évangile. C'est le contenu. Parce que tout le monde a de la foi à quelque chose. Hein? Tu es d'accord avec moi? Les catholiques ont la foi. Les musulmans ont de la foi. Ils n'ont pas la foi dans la vérité. C'est ça qui est important. Tout le monde a de la foi, une forme de foi à quelque part. Il y en a qui croient qu'on vient des extraterrestres, mais c'est une forme de foi. La foi, qu'est-ce qu'elle fait? Elle nous pousse à agir. Donc, celui qui croit aux extraterrestres, il agit en conséquence. Vous savez qu'il y a des places qui ont bâti des places pour faire atterrir les extraterrestres, mais qui viennent. Ils croient ça. Donc, ils ont bâti des pistes d'atterrissage, puis les secours volants, quand ils vont arriver. Ils agissent selon leur foi. Ça fait partie de la nature humaine. Ils ont abandonné la foi, puis quand tu abandonnes certains contenus de la foi, c'est toujours pour adhérer à d'autres choses. Tu ne feras jamais le vide en toi. L'être humain ne peut pas vivre de même. L'être humain ne peut pas dire, j'ai fait le vide, je ne crois plus à rien. Je ne crois plus à rien, je ne pense plus à rien. Non, ça ne se peut pas. Tu sais, as-tu déjà essayé de penser à rien? Tu penses toujours à quelque chose. Tu essaies de passer dans un trou noir, puis c'est ceux qui font de la méditation, là, ils essaient de se faire le vide, de penser à rien. Ils pensent toujours à quelque chose. Mais il dit, ils ont abandonné la foi pour s'attacher à d'autres choses. Pour s'attacher à des esprits séducteurs et des doctrines de démons. C'est ce que le texte dit ici. Tu as abandonné la foi. N'as-tu qu'ils ont d'autres traductions que « esprit séducteur » et « doctrine de démon » à la fin du verset 1? Ils ont abandonné pour suivre des esprits trompeurs et des enseignements inspirés par des démons. Oui, c'est bon. C'est pas mal pareil. Donc, il y a des esprits séducteurs, ça veut dire qu'il va les nommer un peu, par l'hypocrisie de faux docteurs. Donc, c'est des gens qui viennent séduire. Des gens qui ont une capacité de séduire. Et le premier séducteur, ce fut Satan. Hein? C'est ça qu'Ève a dit. Le serpent m'a séduit. C'est le premier. Puis depuis ce temps-là, il y a des esprits séducteurs. Et la séduction, ça se fait toujours à la douce, tranquillement. Et finalement, on est séduit par des mensonges, par des doctrines de démons. Et des doctrines de démons, c'est quoi ça? Tu quand quelqu'un arrive avec des cornes? C'est quoi des doctrines de démons? C'est-tu qu'ils vont finir par faire des messes noires, comme on disait? Ils vont finir par tuer du monde, comme à Halloween, là, qui pense? C'est quoi des doctrines de démons? C'est tout simplement des doctrines qui contredisent la foi, qui contredisent Dieu. C'est tout simplement ça. Si ce n'est pas une doctrine de Dieu, c'est une doctrine du démon. C'est tout ce que ça veut dire. Ça contredit la vérité. C'est pour ça que Jésus va dire aux Juifs, vous n'avez pas pour père Dieu, vous avez pour père le diable. Donc, vous suivez les enseignements du diable. Donc, c'est dans ce sens-là qu'il faut le comprendre. Mais ça, il ne dit pas ça aux inconvertis qui suivent ça. Ça, c'est normal. Les inconvertis sont là. Mais il dit ça qu'il y a des gens dans l'Église qui vont faire ça, qui vont être séduits et qui vont finalement s'attacher à d'autres doctrines. On l'a vu dès les premiers versets. Il y a d'autres doctrines enseignées dans l'Église. Ils se sont attachés à des fables, à des généalogies, se sont attachés à des faux discours, à des discours profanes. Donc l'Église a cette tendance-là. Et souvent, je crois qu'il faut apprendre d'être conscient de ça et à prier à ce niveau-là pour chacun de nous et pour nous en tant que groupe, en tant qu'Église. Que Dieu nous protège de ça. Que Dieu nous garde de ça. L'avez-vous fait cette semaine, mettons? Avez-vous été conscient qu'il y avait du danger dans vos vies cette semaine d'être séduit? Des fois, on n'est même pas conscient. Hein? Tu ne penses même pas. Il n'y a pas de danger. Je suis un chrétien, il n'y a pas de danger. Il faut être conscient de ça. Parce que si l'Église, là, a pu l'être, qui sommes-nous pour se lever et dire « ça ne nous arrivera jamais, nous autres. » Ça ne nous arrivera jamais, nous autres. Vous avez vraiment connu des gens qui sont partis. Moi, je me souviens, j'étais jeune chrétien, j'étais à Victo dans le temps, et il y avait eu une grande petite division qui était partie avec un homme qui était venu dans l'Église, qui avait séduit des gens dans l'Église, et finalement, il était parti avec un groupe. Et c'était des Branham. Des chrétiens qui étaient là depuis plusieurs années, qui ont été séduits par des enseignements de quelqu'un d'autre. Puis quand on a essayé de redresser, d'essayer de ramener ça dans la vérité, puis de leur dire qu'ils se trompaient, ils étaient trop tard, ils sont partis. Ils sont partis avec cet homme-là. Et si on lui avait dit deux semaines avant qu'il y avait du danger, il n'aurait peut-être même pas cru. Et pourtant, deux semaines après, il n'était plus dans l'église. Je dis deux semaines, ça peut être deux mois, mettons, là, ça c'est pas, je ne me souviens pas de ça. Donc, il dit, ils ont été séduits à croire à d'autres doctrines par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Comment qu'on fait pour les reconnaître, ces gars-là? T'sais? C'est des faux docteurs. C'est des hypocrites. Le mot hypocrite, ça veut dire quoi? N'as-tu qu'ils ont d'autres traductions que le mot hypocrite dans votre Bible? Début du verset 2. Tout le monde est pareil? C'est rare qu'on est tous d'accord. Les prédicateurs de mensonges. Ouais, ça, c'est des faux docteurs, mais il n'y a pas le mot hypocrite à quelque part dans ton texte? Non. Moi, c'est le verset 2, là. Ouais. Ils seront séduits par l'hypocrisie de prédicateurs de mensonges. C'est là, c'est là, le mot hypocrisie. Je cherchais à presque. Le mot hypocrite dans le texte. Faux menteurs. Oui, mais un hypocrite, c'est, dans le texte original, c'est un acteur. Un acteur, ça veut dire quelqu'un qui joue un rôle, hein? Je t'assure, tu savoir que la télévision, c'est pas toujours vrai, hein? Les vous savez ça, hein? Si vous ne saviez pas, moi, je vous le dis à matin, là, vous êtes, ça va être du nouveau pour vous autres. Le gars qui fait ça, il joue un rôle. Il joue un rôle. Donc, il ne faut pas que tu crois qu'il est comme ça dans la vie, là. Il n'est pas de même, c'est pas sa vie. Il joue un rôle qui va durer un mois, six mois, qui va prendre le temps de faire du film. Après ça, il oublie ça, puis il passe à un autre. Mais c'est quelqu'un qui donne, qui joue un rôle. Donc, par l'hypocrisie, ces faux docteurs-là sont hypocrites. Mais l'hypocrite, ça veut dire que tu joues un rôle, tu dis quelque chose, puis tu fais autre chose. C'est ça que ça veut dire. Je suis quelqu'un, je dis que je suis quelqu'un, mais j'agis autrement. C'est ça que ça veut dire dans notre contexte. C'est pas d'être hypocrite avec ton conjoint, c'est pas ça qu'on parle ici. Là. On parle de la vie chrétienne. Donc les faux docteurs, eux autres, ils sont hypocrites, donc ils disent, mais ils font pas. Ils sont hypocrites. Il y a un dérèglement, il y a quelque chose qui se contredit. Donc, quand vous allez chercher un faux docteur, souvent, vous allez trouver un hypocrite. Il dit, mais il ne fait pas. Donc, il dit, si vous dites, ben, je suis un musulman, j'agis comme un musulman, mais ce n'est pas un hypocrite, c'est comme ça. Mais quand je dis, je suis un enfant de Dieu, puis j'agis autrement, hein, ça ne marche plus. Il y a de l'hypocrisie, c'est ce qu'on appelle l'hypocrisie. Tu as inspiré. L'hypocrisie avec, dans le monde, avec ta femme, avec ton boss, ça passe. Tu peux être sauvé et aller au ciel quand même avec ça. Mais l'hypocrisie dans la foi, c'est une autre histoire. Une autre histoire. Là, ça ne marche plus, là, ça ne passe pas là, auprès de Dieu. Donc, il dit, puis quand on parle de qui portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience, ça, c'est ma belle qui dit ça. Là. La vôtre, elle dit quoi, la vôtre? à la fin du verset 2. Là. Dieu, vous êtes des menteurs. À la conscience marquée au fer rouge. Marquée au fer rouge. N'as-tu dans d'autres traductions? Une conscience marquée au fer rouge. Qu'autorisé. Ça veut dire quoi, Céline, ça, qu'autorisé? Mais là, moi, ce que j'avais vu, ça. Donc, c'est un coupeur qu'on brûle. Ouais. Brûlé, comme au fer rouge. C'était quand on voyait dans les films, le gars, il s'est fait couper, il a su une balle, il fait chauffer son couteau. Il met ça dessus, c'est ça qu'on appelle cotorisé. OK? Donc, vous savez que la chair qui est cotorisée n'a plus de vie en elle. N'a plus de vie. La cicatrice, c'est pas de vie, là. C'est brûlé. OK? Donc, c'est une conscience cotorisée, c'est une conscience qui ne fonctionne plus. Donc, c'est il y a quelque chose qui est déréglé chez le faux docteur. Entre ce qu'il dit et entre ce qu'il fait. Donc, si tu ne prêches plus l'Évangile et tu agis en conséquence, ben, tu n'es pas un hypocrite. Mais si tu dis que tu prêches l'Évangile et tu agis autrement, là, tu es un hypocrite. Donc, l'hypocrisie, c'est quelqu'un qui n'est pas en harmonie entre ce qu'il dit et ce qu'il fait. C'est ça qu'il est en train de parler ici. Là, on va voir deux doctrines de démons. On a deux de marqués ici. Là. Pas trop dur à savoir ça veut dire quoi. Un, il dit, il prescrit de ne pas se marier. C'est une doctrine de démon, ça. Mm-hmm. Et de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce. Avez-vous déjà remarqué que dans tous les grands mouvements religieux, dans les moyens et les petits aussi, là, ces deux choses-là reviennent quasiment constamment. La question du mariage, la question de la nourriture. Ça revient quasiment constamment. On touche toujours ça. Certains aliments, tu ne peux pas manger. Certains aliments, tu devrais manger. Puis certains aliments, il y a quelque chose qui se joue là-dedans avec la nourriture. Tout le mouvement des Adventistes du septième jour. Ils sont sauvés par les... S'ils mangent certains aliments, ça ne marche plus, là, dans la foi. Les Mormons aussi sont presque végétariens, les Mormons. Les bouddhistes, allez voir les bouddhistes, allez voir qu'ils ont une alimentation pas mal spéciale, puis ils peuvent pas manger certaines choses. Parce que ça l'affecte le côté. Moi, tu manges pas de patates, je m'en fous comme dans le hein? Mais tu me dis, si tu manges des patates, t'es pas correct avec le Seigneur, là, je vais te dire, je m'en fous pas. Tu sais, je m'en fous pas. T'es d'un patate. Merci. T'es d'un patate, mon chum. Mais comprenez-vous l'affaire? Moi, j'ai rien contre le fait que tu prennes une forme d'alimentation que tu veux t'adapter à toi. Mais si tu en fais une règle qui touche la spiritualité ou qui touche ma foi, là, on décroche. C'est une doctrine de démon. Okay? Et si tu me dis que l'apôtre Paul lui-même a encouragé les chrétiens dans l'épître aux Corinthiens de ne pas se marier. Il dit, je vous encourage à ne pas vous marier. Restez célibataire, ça va être mieux comme ça. Pour le ministère, pour l'œuvre de Dieu. Mais ce n'était pas pour changer l'Évangile, ce n'était pas pour améliorer ta position avec Dieu, ce n'était pas pour être sanctifié, ce n'était pas pour gagner des couronnes, ce n'était pas pour ça. Là. OK? Ça semblait pour Paul, selon lui, à cette époque-là, ça facilitait la vie du croyant en ce moment-là. Il y en a qui auraient pu dire, non, Paul est célibataire. Ben, Timothée aussi est célibataire, donc on devra faire comme les autres. Souvenez-vous, quand on a étudié 1 Corinthiens 7, je reviens, dans 1 Corinthiens 7, il y avait des croyants mariés qui se séparaient. Croyants, plaire à Dieu, croyants s'approcher de Dieu comme cela. Là, ils étaient des patates, c'est vrai. Vois-tu donc, ben, comment ça peut rentrer dans la tête d'un croyant? Dans le Paul, moi, j'avais plus compris à ce moment-là qu'il suggérait, tu me dis si je me trompe, là, de ne pas se marier si c'est... Pas pour la majorité des chrétiens, mais pour ceux qui voulaient vraiment œuvrer pour le Seigneur, mais que si, par contre, ça te chatouille trop, t'es bien mieux de te marier que de ne pas te marier. Mais c'était vraiment... J'avais plus vu ça... Pas juste pour les chrétiens, mais vraiment plus pour les ouvriers, non? Non. C'était vraiment pour tous les chrétiens. Okay. Oui, il dit, c'est un homme, une fille qui veut la marier, et l'autre qui ne veut pas la marier, mais il dit, moi je vous dis que si elle reste seule, elle va être mieux. Mm-hmm. ça va être mieux. Okay. Puis, mais il donne la possibilité de ça m'ouvre une porte avec la question de qu'est-ce qui se passait à l'époque de façon politique, de façon de ce qui se passait à ce moment-là. Mais il y en a qui ont pris ça, puis qui ont fait le célibat comme quelque chose de mieux. Que si tu es célibataire, tu es mieux auprès de Dieu. Dieu va te voir mieux. Vous êtes un meilleur serviteur de Dieu. Non, non. Il faut faire attention. Tu dis plusieurs religions utilisent. Au niveau de la nourriture, on sait que la majorité des religions, mais pour le mariage, à part les bouddhistes sont tous célibataires. Ah, okay. Ceux qui vont dans les monastères bouddhistes là, sont tous célibataires à ce moment-là. Donc, si vous étudiez l'histoire des religions, vous allez voir qu'à l'intérieur de ces mouvements-là, il y a toujours des gens qui se séparent, comme les catholiques, les sœurs, les frères. Donc, vous allez voir, il y a toujours des gens parce qu'on croit que le mal vient de l'extérieur et non pas du cœur. Donc, on essaie de trouver une situation pour améliorer ça, pour nous mettre dans une position qui nous avantage. Mais Jésus nous a bien averti que c'est dans le cœur que le problème est. C'est pas à l'extérieur. Donc, il y a des gens ici, ils ne nous disent pas clairement dans notre texte que pourquoi ils disaient de ne pas se marier. Le mot prescrire, là, c'est le mot dire que c'est ça qu'il faut faire. C'est pas « je vous conseille », c'est une possibilité, c'est une façon comme une autre, c'est pas comme « tu as un choix », mais prescrire, le médecin te prescrit un médicament, tu prescris, tu demandes qu'il prenne ça. OK? Tu as le droit de ne pas le prendre si tu veux, mais tu ne devrais pas avoir les médecins. Si tu ne devrais pas avoir les médecins, tu ne veux pas prendre ce qu'ils disent, tu ne veux pas faire ce qu'ils disent, ça donne à peut-être pas grand-chose. Puis en même temps, ils disent de s'abstenir de certains aliments. Comment un chrétien peut-il venir à penser qu'il doit s'abstenir de certains aliments pour améliorer sa vie chrétienne? Mais ça, là, autrefois, dans mon autre église, là, on avait parlé de ce sujet-là, puis parmi les croyants, là, et on parlait du jeûne. Puis ce qui était ressorti, c'est que le jeûne avait des attributs de quand t'es moins. T'es détaché, là. Quand tu passes une étape, là, t'es détaché de toujours penser à plein de choses, puis t'es plus spirituel, t'es plus centré sur Dieu. C'est ça qui avait ressorti. Oui. C'est pour ça qu'on glisse vers ça. Moi, je trouve ça... C'est une séduction, pour le dire. Oui, c'est une séduction. Mais ici, on parle pas de jeûne, mais d'abstenir de certains aliments. Donc, tu vas dire que tu jeûnes, mais certains aliments, tu ne dois pas manger. Okay? C'est un petit peu différent. C'est pas pareil. Les faux docteurs n'étaient pas en train de dire « mangez plus ». Ça n'aurait pas duré longtemps. Là. Quelques semaines, il n'y aurait plus. Mais c'est à certains aliments qu'ils ne devraient pas manger. Comme le porc, en français. Oui, on pourrait dire le porc, on pourrait dire aussi, on pourrait dire n'importe quoi. Là. Il y en a qui vont sortir toutes sortes de choses. Mais l'important, c'est pas que tu t'abstiennes de certains aliments parce que tu crois que c'est pas bon pour ta santé. Tu veux le faire, fais-le. Mais il ne faut pas que tu rattaches ça à la foi. Il faut faire attention. Je me souviens, les premiers temps, j'étais à Victoriaville, des années 80, il y avait eu la mode de Rocan de Danville, où est-ce qu'on allait pour jeûner. Là, les chrétiens partaient là, mon gars, 3, 4, 5 à la fois, puis ça allait jeûner pendant 14 jours, 21 jours, 28 jours. Et ça jeûnait. Là. Puis là, il était revenu. Mon cher ami, il était revenu, là, il avait été proche de Dieu, puis Dieu l'avait béni, puis Dieu avait été vraiment proche. Puis là, il ose me dire que Jésus avait jeûné 40 jours. Oh boy! Là, puis moi, j'étais responsable de l'enseignement avec Tibène, le petit Tibène, je l'appelle encore Tibène, mais avec Tibène. Fait qu'on a décidé de faire un enseignement sur le jeûne, parce qu'on voulait rétablir ça, là, parce qu'il dit que. Non. Nous autres, on ne voyait pas ça de même. Le gars qui est chez eux est aussi spirituel que toi. Le gars qui était chez eux, qui mangeait sa patate, est aussi spirituel que toi, puis t'as aussi répondu que toi. Si tu veux aller jeûner, vas-y comme moyen de te soigner. Mais non, fais pas quelque chose de spirituel. J'ai dit, il faut faire attention. Parce qu'il dit, Jésus a été emmené au désert par le Saint-Esprit pour être tenté. Tu es allé chez le croquet pour être tenté? Si tu veux mettre le verset, mets-le au complet, mais dis-en pas juste la moitié. Et là, encore là, tu le mettais hors contexte. Pourquoi Dieu a-t-il emmené Jésus dans le désert pour être tenté? Donc, c'est. Mais il ne faut pas l'utiliser pour le jeûne. Il ne faut pas dire que le jeûne me rend plus spirituel. Tu es en train de dire ce qui a été fait en toi, ça a été fait par. C'est toi qui le fais. C'est Dieu qui a fait quelque chose en toi, et toi, tu réagis à ça. Toi, tu es dirigé par Dieu, par l'Esprit de Dieu. Ce n'est pas toi qui vas influencer Dieu par les aliments que tu manges. Ou, c'était, on avait parlé de ça quand on a fait Romains 14. Certains chrétiens mangeaient juste des légumes. Puis ils jugeaient ceux qui mangeaient de la viande. Ceux qui mangeaient de tout, ils méprisaient les chrétiens qui n'étaient pas tellement intelligents qui mangeaient juste des légumes. Et la guerre était comme pognée dans l'église. Paul les dit, mangez donc ce que vous voulez. Mangez donc ce que vous voulez. Laissez les gens. Le problème, ce n'est pas qu'ils faisaient juste ça. C'est, voyez-vous, ils jugeaient l'autre. Ils jugeaient celui qui mangeait. Et ça veut dire qu'ils condamnaient celui qui mangeait. Et celui qui ne mangeait pas, lui, il condamnait aussi celui qui mangeait. Donc, là, tu dépenses ta question, ben, tu es libre de manger ce que tu veux. L'autre est libre de manger ce qu'il veut selon sa compréhension des choses, de sa culture. Puis, remarquez bien ici ce qu'on dit là, de ne se marier, de ne pas se marier, de s'abstenir de certains aliments. Ça a été écrit pour toutes les cultures, pour toutes les époques, dans toutes les races de l'humanité. Il y a certaines choses que vous mangez ici au Québec là, que certains petits noirs à l'autre bout diraient « dégueulasse que tu manges là! » Les autres, ils mangent des affaires que tu ne voudrais même pas voir. Regardez, toi! Vas-y. Mais pourtant, le verset, tous ces chrétiens-là, dans toutes ces cultures-là, ils ont tous le même verset devant eux autres, là. Donc, ça dépasse la nourriture, ça, cette affaire-là. Ça dépasse les coutumes, les traditions d'une société. Si dans une société, on se marie ou on ne se marie pas, ça dépasse ça. Le problème, le principe de base, c'est que c'est des doctrines. Tu changes la foi en emmenant ça. Tu as abandonné la foi et tu as pris d'autres doctrines. Pour plaire à Dieu, ce n'est pas que tu t'attaches à la doctrine de la foi. Pour glorifier Dieu, tu ne t'attaches pas à l'Écriture. Tu t'attaches à d'autres choses dont tu es en train de déshonorer Dieu. Tu es en train de déshonorer Dieu. Donc, faisons bien attention quand on veut rendre des choses, des traditions, des habitudes, des croyances humaines, sociales, culturelles, et d'en faire des principes spirituels. Chacun de vous ici, vous êtes responsable d'avertir l'autre dans ce temps-là. Tu ne dois pas manger de patates. N'en fais pas quelque chose de spirituel. N'est pas en train, ne me dis pas que je suis moins proche de Dieu que toi parce que je ne mange pas certains légumes ou certaines viandes ou certaines ci. Tu as le droit, là. Il y a des chrétiens qui vont plus loin, les autres, ils partent dans une autre direction. Tu sais, on est toujours en train de réagir. Hein? Bing, boing, bing, boing. Il dit, les aliments que Dieu dit, il prescrit de ne pas se marier, de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce par ceux qui sont des croyants, parce que tu ne rends pas grâce à Dieu si tu n'es pas un croyant. Hein? Donc, les fidèles vont, et qui ont connu la vérité, les autres, ils savent que ça vient de Dieu, puis ils vont rendre grâce à Dieu. Puis là, il dit, car tout ce que Dieu a créé est bon. Rien ne doit être rejeté pourvu qu'on prenne avec action de grâce. Donc, il y en a qui veulent prendre ce qui n'est pas bon, puis le rendre bon en priant. Si tu prends un scorpion, puis tu le manges en priant, si tu prends un champignon empoisonné dans le bois, puis tu le manges en priant, ils vont mourir pareil. Donc, il y a des chrétiens qui prennent ces versets-là comme ça. Tu devrais faire attention à ta santé. Je prie, je remercie le Seigneur, puis tout est sanctifié par la prière et la parole. Ben non, là, on va dans une autre direction. Okay? On va dans le contraire, on est aussi croche que d'autres choses. Quand il parle que tout ce que Dieu a créé est bon, c'est-à-dire que ce que Dieu a créé pour nous autres, les êtres humains, à manger, c'est bon. Mais si tu mets à manger de l'herbe, c'est peut-être avoir des problèmes un peu plus loin. Il faut faire attention, faut pas. Il est juste en train de vouloir dire ici, ce que Dieu a créé, c'est bon. Mange-le, tu ne veux pas en manger, ne mangeant pas. Si tu le manges, en allant dans la grâce, tu sais que ça vient de Dieu et ça glorifie Dieu, que tu reconnais que toute nourriture vient de Dieu. Toute nourriture qui est faite pour l'être humain. Si tu dis, bien, les chiens ils mangent des charognes, je vais en manger aussi parce que je vais rendre grâce en y allant, tu vas mourir. Il faut faire attention. C'est que, ici, ce qu'il veut redresser, c'est qu'on est parti en disant que si tu ne manges pas certaines choses, ou si tu manges certaines choses, tu vas être plus proche de Dieu. Tu vas être plus sain. Tu vas avoir plus de récompenses. Tu vas faire ci de plus. Non, non, il n'est pas en train de dire. Il veut juste redresser. C'est pour ça qu'il va dire au verset 6, en exposant ces choses, en disant ça aux frères, tu seras un bon serviteur de Jésus-Christ. Savez-vous que le mot qui est là dans l'original, c'est diacre. Il dit à Timothée, tu vas être un bon diacre si tu fais ça. Mais Timothée, c'est un évangéliste de don. Mais il l'appelle serviteur comme tous les autres. Donc peu importe le don que toi, tu es un serviteur dans l'Église. Il dit en exposant, en disant cela, que ce que tu manges ne peut pas améliorer. Vous vous souvenez que Jésus l'a fait avec les pharisiens? Jésus dit aux pharisiens, vous coulez le moucheron, vous passez votre vin dans un net, pour enlever toutes les petites mouches, toutes les petites bébites, mais il dit, vous envalez les chameaux au côté. Il dit, c'est pas correct votre affaire. Il dit, vous avez abandonné les choses les plus importantes de la loi, comme la miséricorde, la compassion, la grâce, et vous attachez à des choses de même, des doctrines, j'appelle ça de démons jusqu'à certains points. Jésus dit à ce moment-là, il n'y a rien qui rentre dans l'être humain qui le souille. C'est ce qui sort de l'être humain qui le souille. C'est un principe, ça, absolu. Il n'y a rien qui rentre dans l'être humain qui peut le souiller. Spirituellement. Hein? Spirituellement. Physiquement, ben oui, si je mange un champignon, ça peut me souiller. Mais on parle ici spirituellement. Et ici, les autres, ce qu'ils disaient, probablement, c'est pour ça qu'ils ont emmené la question du manger, de ça, c'est ça souillait spirituellement, ou ça l'aidait à être moins souillé spirituellement. Donc, mais Jésus, il n'y a rien qui fait ça. Il n'y a rien qui rentre dans l'être humain, ni par la bouche, ni par le nez, ni par les oreilles, ni par les yeux, qui peut le souiller. La première fois que j'ai prêché ça dans une église, on m'a mis quasiment à la porte. Tu étais en train de dire que la boisson, ça ne peut pas souiller, puis la drogue, ça ne peut pas souiller, puis la musique, puis la pornographie, ça ne peut pas souiller. Non, ce n'est pas ça qui souille. C'est ton cœur qui est souillé qui fait que ça ne marche pas. Là. Jésus était exposé à tout ça. Il n'a pas péché. Son cœur n'était pas souillé, lui. Donc, ce qui souille, ce n'est pas ce que tu regardes. Ça révèle ton cœur à toi qui est souillé, tout simplement. OK? Je ne suis pas en train d'ouvrir une porte à dire... Tu peux faire n'importe quoi, ça ne te souillera jamais. Non, ça peut juste montrer ce que ton cœur est. Okay, donc c'est ça que ça veut dire. Donc, il dit, toi, en tant que serviteur de Dieu, de Jésus-Christ, expose ces choses-là, dis-le. Dis-le aux frères et aux sœurs avec lesquels tu travailles, que tu ne peux pas faire ça, tu ne peux pas emmener de nouvelles doctrines. Laisse-toi pas séduire par ça. Et garde seulement la foi que tu as reçu de la part de l'apôtre Paul ou des autres apôtres. Il dit, un bon serviteur de Jésus-Christ, nourris des paroles de la foi et de la bonne doctrine que tu as exactement suivie. Oui, c'est ce qu'il parle d'aliment, mais il parle de nourrir. Toi, tu t'es nourri de quoi? De la parole de Dieu, de la parole de la foi, de la bonne doctrine. Nourris-toi pas de fausses doctrines, de d'autres doctrines, de contes, De fables, de généalogie, de fins discours. Amène pas, nourris-toi pas de d'autres choses. Et nourris-toi de la bonne parole de Dieu et tu vas être correct. Donc, là, on parle toujours spirituel. On ne parle pas juste de nourriture physique. Là, ils ont au verset 7, repousse les contes profanes de vieilles femmes. Là, on est toujours en train de dire comment faire pour redresser l'Église. Reconnais les faux docteurs. Si tu tu ne travailleras pas à redresser l'Église si tu ne crois pas qu'elle est croche. N'est-ce pas? Si tu ne crois pas qu'elle est croche, tu ne travailleras pas à la redresser. Hein? C'est normal. Si tu regardes ta planche, tu penses qu'elle est droite, tu vas la poser sur le mur demain. Mais si tu prends le temps de l'examiner, de la regarder, de l'aligner, si tu as des bons yeux, tu vas dire, oups, il va falloir que je la travaille, il va falloir que je mette des poids, il va falloir que je prenne des serres pour la remettre droite, parce que je crois qu'elle est croche. Et donc, je crois que l'Église a toujours besoin d'être redressée, d'un bord ou de l'autre. Il faut être conscient de ça. Si je ne suis pas conscient de ça, automatiquement, qu'est-ce que ça va faire? Elle va partir croche, elle va la laisser aller. Et je vous dis, vous avez chacun votre responsabilité dans ce domaine. Vous ne pouvez pas vous fier sur une personne. Donc, si vous pensez qu'une personne peut redresser l'Église, vous êtes dans le champ de bataille. Il faut voir que c'est tout le monde qui était impliqué à ça. Ici, quand il dit « repousse les cons profanes de vieilles fines », qui sait que ça veut dire quoi, profane? Quelque chose de profane? Impur. Non. C'est du contraire à la foi, profane? Oui, c'est contraire à ce qui est sacré. Okay, le domaine du sacré, c'est, mettons, on était dans l'Église, tu avais l'Église catholique, c'était le monde sacré, le profane, c'était en dehors. Le profane, c'est ce qui venait du monde, ce qui est en dehors du sacré, du saint. Donc, le monde profane, c'est ce que ça veut dire. C'est en dehors de la foi ou en dehors de ce qui est saint. Dans notre corps, c'est en dehors de ce qui est l'Évangile. Il n'est pas en train de dire ici, écoute, aucune histoire qui va être racontée. Là. Si c'est quelqu'un qui dit, je vais vous raconter une histoire, de femme toi deux oreilles, puis écoute pas ça. Là. Mais c'est qu'il veut en faire quelque chose de spirituel. Hier, j'ai écouté quelque chose sur une vidéo sur YouTube, puis le gars, il partait avec des explications que je voyais qu'il ramènerait quelque chose par rapport à l'autant de Moïse, l'autant de David. Puis là, il est parti complètement avec des affaires. Que, bon, il était décroché complètement, finalement. J'ai pas fini d'écouter parce que je ne m'intéressais pas. Je voulais voir s'il m'amènerait des connaissances archéologiques ou géographiques par rapport à l'autant de Moïse. Mais c'était du profane. Je veux dire, là, c'était juste science, puis c'est profane. Ça veut pas dire que c'est faux, c'est que c'est profane, ça n'a pas rapport avec la spiritualité. Donc il dit repousse-le. Ça veut dire quoi ça? Quand je te dirais repousse-le, ça veut dire quoi? Ça implique quoi? De ne pas les rejeter. Hein? De ne pas les prier du tout. Mais ça l'implique quoi? Les rejeter. Tiens, pas compte. Là, vous dites la réaction. Mais ça l'implique quoi? Quelqu'un veut nous influencer. Voilà, quelqu'un veut venir nous faire tomber. Repousse, là. Ça veut dire que ça vient. S'il n'y avait rien qui viendrait, je n'aurais pas besoin de repousser rien. Là. Il veut dire qu'il y a des gens qui vont vouloir t'influencer. Ces faux docteurs, ces faux prophètes, ces gens qui viennent avec d'autres doctrines, ces contes profanes, faut que tu les discernes et tu les repousses, ces gens-là qui veulent t'influencer dans cette mauvaise direction-là et changer la foi. Donc, si je t'encourageais à repousser, c'est que le gars qui me le dit, sait que ça va venir. Ça va venir dans ma direction. Il faut que je le repousse. Il faut que je le rééloigne, ça. Et ça, c'est comme... C'est constant. C'est constant. Si vous écoutez le monde religieux, moindrement, le monde spirituel, c'est constant. Il faut toujours être à l'écoute, il faut toujours voir, il faut toujours être sensible. Vous faites, ouf, t'as un peu, toi là, ouf, on va vérifier ça, ouf, je ne sais pas ce que tu t'en vas matin, mais on va aller repousser ça, on va regarder ça un peu. Parce qu'il y a toujours cette influence qui vient de nous éloigner. Donc, on est dans une façon de repousser. Les choses qui veulent nous influencer, qui veulent nous pousser. Parce qu'ils veulent. Si nous autres, si moi je repousse parce qu'on veut me pousser, on veut me pousser dans une direction, moi je dois repousser dans l'autre direction. Pour ne pas me laisser influencer. Donc on dit repousse les contes profanes de les femmes qui touche la foi d'une façon quelconque, sans ça, il n'en a pas parlé. Et là, il y a un verset, le verset 8. Hein? Exerce-toi la piété, car l'exercice corporel est utile à toute chose, tandis que la piété est utile à toute chose. Elle a la promesse de la vie présente et celle qui est à venir. Donc, il met. Paul, je pense qu'il va être comptable de métier. Il met deux colonnes. Mais une colonne, c'est l'exercice de la piété. Et dans l'autre colonne, il parle de l'exercice corporel. Hey, ça fait 2000 ans qu'il y a ça. Il n'y avait pas de gym dans ce temps-là. OK? Il ne parle pas de gym. Là. Il ne parle pas de faire de l'exercice des marathons. C'est pas ça qu'on parle. OK? Qu'est-ce qu'il est en train de parler? Il dit qu'il est en train de comparer deux choses. Exercice piété, exercice corporel. Une de ces choses-là, l'exercice corporel, est utile à peu de choses. Est utile, mais à peu de choses. L'autre exercice, qui est l'exercice de la piété, est utile à tout. Tout. Oh, là, c'est pas juste un peu. Elle a une influence sur tout. Et elle a la promesse de la vie présente et de celle à venir. Qu'est-ce qu'il veut dire par ces deux choses-là? Parce que l'exercice, les deux exercices, une est utile, mais peu. L'autre est utile à tout, et dans la vie présente, maintenant, et dans l'éternité. Donc, normalement, on devrait choisir celle qui a le plus d'impact, n'est-ce pas? On devrait dire, « Wow, on prend celle-là, tu sais, là. Ben, celle-là, elle influence tout ce que je fais, puis dans cette vie et dans l'éternité. » Et l'autre, elle a moins... Qu'est-ce qu'il compare? Qu'est-ce qu'il est en train de comparer? C'est spirituellement. Mieux qu'être utile à tout, ça veut dire tout ton aliment, toutes tes pensées vont être selon la vérité, selon la piété. Puis l'autre, bien, être utile, tu peux en faire, mais c'est pas ça qui va t'emmener à glorifier Dieu. Et là, tu dis tu peux en faire, ça veut dire quoi, tu peux en faire? Dans le sens que c'est pas mal de faire d'exercice, là. Mais l'exercice, c'est ça qu'on essaie de comprendre, c'est quoi cet exercice corporel-là? L'exercice, la piété, c'est l'exercice spirituel. Okay. C'est un exercice que tu vas faire. C'est spirituellement, c'est tout ton corps, ton esprit qui va être influencé par ce qui est vrai, la vérité. Oui. Mais l'exercice, elle implique quelque chose que tu fais. L'exercice. Tu vas t'entretenir dans la vérité. Oui, mais c'est un. Le mot, c'est, nous autres, on a pris souvent l'exercice de la piété comme lire la Bible, prier, aller à l'église. Ça, c'est l'exercice spirituel. C'est pas tout à fait ça dont il parle. Okay. Quand il parle d'exercice corporel, on pense à gym. Pensez à faire l'exercice, aller courir, ça. Mais c'est pas ça qu'il parle. Il parle de toute activité physique. Toute activité physique a un résultat présent et limité dans ce monde. OK? C'est juste ça. Ça va pas plus loin que ça. Donc, il dit, soit tu t'exerces à quelque chose qui va durer l'éternité, soit tu t'exerces à quelque chose qui est temporaire, juste une limite de temps. Mais pour vous compreniez, je vais vous amener dans un autre verset dans l'Épître à Timothée, pour que vous compreniez que par l'exercice de la piété, qu'est-ce qu'il veut dire? Venez tourner avec moi dans le chapitre 5. Est-ce que j'avais l'attachement à Dieu? Oui, je veux. Pas tout à fait d'accord avec tout à fait ça. Ça dépend de l'auteur, je n'ai pas son idée. D'accord, tu peux comprendre? Chapitre 5, 1 Timothée, chapitre 5. C'est moins le temps de chercher. Verset 3. On va commencer au verset 3. On va le voir plus la semaine prochaine. Honore les veuves qui sont véritablement veuves. Si une veuve a des enfants et des petits-enfants, qu'elle apprenne avant tout à exercer la piété. C'est ça que ça vient, c'est ça que ça veut dire ici. Là. D'exercer la piété, c'est la mise en pratique de la foi. Moi, j'ai à traduire leur attachement à Dieu. Il ramène la même affaire. Ah, probablement, c'est logique qu'il fasse de même. Mais ici, s'occuper d'une veuve, il appelle ça un exercice de piété. Vous voyez où c'est différent? Donc, l'exercice de la piété, on l'a spiritualisé, c'est juste dans notre tête que ça se passe. Mais Paul, il dit non, non, non, non, non. Comme l'exercice corporel, c'est pas dans ta tête, c'est là. L'exercice corporel, tu dis là, oh, j'aurais envie que ma pelouse soit faite aujourd'hui, puis tu fais juste penser à ça, fais juste penser à ça, il n'y a rien qui va se faire. Corporel, c'est-à-dire qu'il y a une action. Il y a quelque chose qui se fait. Donc, tu as un exercice corporel, c'est pas un exercice intellectuel. C'est pas un mental, c'est un exercice corporel, c'est une action. L'exercice de la piété, c'est l'action de la foi. C'est ça qui fait comme différence. Il dit, si tu travailles à la mise en pratique de la foi que tu crois, hein, ça c'est utile à tout ce que tu fais dans la vie, c'est utile même dans l'éternité. Donc, c'est, là, on va en reparler la semaine prochaine, quand on va arriver dans le chapitre 5. Mais ici, quand, je voulais juste vous montrer que quand il dit « exerce-toi à la piété », il dit à Timothée de passer à l'action, de faire de quoi avec ce qu'il croit. De faire de quoi avec ce qu'il a appris de lui. Donc, il dit, et je crois que c'est comme, ça va de soi. Si je crois que l'exercice de la piété a plus d'impact dans ma vie, sur toutes les choses que je fais dans la vie, que l'autre côté, intellectuellement et intelligemment, je vais faire celle-là. Si j'inverse ça, ça veut dire que je crois que l'exercice corporel est plus important que l'autre. Ça, je vous ai déjà dit, calculez, faites des calculs, à quoi vous occupez votre temps. Qu'est-ce que vous faites, comment vous agissez, comment ça marche? Qu'est-ce que vous faites avec votre argent, votre temps, vos talents, vos dons? Comment j'équilibre ça? Est-ce que si je te regarde, si je t'écoute, est-ce que ça va refléter que tu crois que l'exercice de la piété a plus d'importance que tout le restant? Mais non, si c'est l'inverse, je suis en train de dire au monde ce que je fais avec mon corps, pour le monde ici-bas est plus important. Oups! On est en train de vivre deux vies, là. On dit, mais on fait d'autres choses. On dit que les choses de Dieu, c'est les choses les plus importantes, mais on fait d'autres choses qui nous semblent plus mieux, plus importantes, parce qu'on le fait, c'est plus important. Donc, c'est important de bien comprendre ça. Nous, on avait restreint ça à l'exercice physique. Moi, quand j'étais jeune chrétien, j'étais fou comme un balai. J'avais arrêté tout exercice physique, tu sais, plus de gym, plus rien, plus de course, puis pas de ci, pas de ça, parce que l'exercice, c'est utile à peu de choses. Bien intentionné, mais dans le champ de bataille. Mais c'est vraiment, c'est pas juste. Et ça, ça rentre dans. Et le monde dans lequel on vit, le monde dans lequel qui nous parle, vos enfants à l'école, tout le monde autour. Mais vos enfants, vous n'avez plus, on est tous dans le monde que nos enfants ne vont plus à l'école, là, en grande partie. Mais tout ça, là, c'est. Tout vient pour nous dire que le plus important, c'est ici. C'est sur cette planète-là. Toute la société va dans cette direction-là. Hein? Profitons de la vie. C'est ça qu'on. Le bonheur américain, là, c'est pas l'exercice de la piété. Là. Le rêve, c'est le rêve américain qu'on dit. Le rêve américain, c'est pas ça. C'est d'avoir une femme, une belle maison, des enfants, un fonds de pension. Ça, c'est la vie. Le rêve américain. Mais ça, c'est pas le rêve du croyant, justement. C'est pas qu'on peut pas avoir ces choses-là. Mais notre vie devrait démarquer qu'est-ce qui est le plus important pour moi. Qu'est-ce qui fait. Parce que je peux faire des activités corporelles, mais mon intention est spirituelle derrière. Mon intention est spirituelle derrière. Je peux faire des choses avec mon corps, mais mon intention est spirituelle. Je peux partir pour aller aider un frère à peinturer sa maison, mais mon idée, c'est de l'encourager spirituellement, parler avec lui de la foi. Je suis en train de faire une activité physique, je vais peinturer avec lui, mais mon intention est spirituelle. Il n'y a pas juste une intention matérielle derrière. Il y a une intention spirituelle derrière ça aussi. Donc, c'est ça qui est en train de vouloir. Parce que dans l'Église, on va jouer avec ça aussi. Pour redresser l'Église, il faut que l'Église ramène l'équilibre entre les deux et dise le côté, l'exercice de la piété est plus important que l'exercice corporel. Et ça va redresser l'Église tranquillement dans la voie de la vérité. Et ça va faire une église plus forte et qui va s'attacher aux choses de Dieu. Alors, parce qu'on va le voir en Saint-Denis, c'est pas trop tard, on va avoir un petit peu de temps encore. Il dit au verset 9, cette parole, elle est certaine et digne d'être reçue, ce qu'il vient de dire. Hein? Cette parole-là que je viens de vous dire, que l'exercice de la piété est plus importante que l'exercice corporel, cette parole est certaine. Nous, au verset 10, nous travaillons, en effet, et nous combattons parce que nous mettons notre espérance dans le Dieu vivant qui est le sauveur de tous les hommes, surtout des croyants. Bon, ça nous a amené là, cet enseignement-là. Et il dit, pourquoi est-ce que je m'exerce à la piété et non pas au côté corporel, aux activités corporelles? C'est parce qu'il dit, nous travaillons, en effet, nous combattons, parce que nous mettons notre espérance dans le Dieu vivant, qui est le sauveur de tous les hommes, surtout des croyants. Nous, tu as d'autres traductions? Moi, je dis le bienfaiteur. Bienfaiteur? Au lieu de sauveur. Au lieu de sauveur. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Il est sauveur de tous les hommes, surtout des croyants. Est-ce que Dieu sauve tous les hommes? Ça veut dire qu'il n'y en a pas d'enfer si Dieu sauve tous les hommes. Si Dieu est sauveur de tous. Est-ce que ça veut dire que Dieu sauve de toutes sortes d'hommes, de toutes générations, de toute société? Mais là, on a de la misère à dire, mais surtout des croyants. Donc, ouais, ça n'a pas rapport, c'est tout le monde. Oui, il faut essayer de comprendre qu'est-ce qu'il veut dire. Mais le mot sauveur, quand vous entendez le mot sauveur, j'aime bien la traduction Chantal, bienfaiteur. Dieu fait du bien à tous les hommes. Si je le mettais comme ça, Dieu fait du bien à tous les hommes. Fait pleuvoir sur les bons comme ça. Encore plus sur ses enfants. Si Dieu fait du bien à tous les hommes, il en fait encore plus à ses enfants. OK, c'est le mot sauver, là, c'est le mot délivrer de difficultés, de faire du bien à quelqu'un. Puis le mot aussi, souvenez dans Romains, c'est marqué, si il nous a aimés pendant qu'on était ses ennemis, à plus forte raison va-t-il nous délivrer aussi de la colère à venir. S'il m'a sauvé pendant que j'étais son ennemi, il va me sauver encore plus que je suis son enfant, de la colère à venir. Ici, le mot sauver, là, on va le comprendre quand il va dire à Timothée, tu vas te sauver toi-même. Nous, quand on parle de sauver, sauveur, on s'est fait dire de trouver une date quand on n'était pas sauvé. Le salut, ça s'est passé à une certaine date dans nos vies. La Bible ne parle pas tout à fait de même. Est-ce que je dis bien quand je dis Dieu me sauve? Tout le temps? Est-ce que c'est un mot que je peux utiliser? Dieu me sauve. Ou alors si je ne dois pas dire ça. Je dois juste dire Dieu m'a sauvé. Mais Dieu me sauve. Mais il me sauve, là, il faut se dire. Là, si vous pensez justification, vous dites ben non, j'ai été justifié qu'une fois. Vous avez raison. Et quand il me sauve de quoi? Il veut me sauver de moi. Je suis ton enfant, il veut me sauver de quoi, là? Je suis ton enfant. Il est le sauveur de tous les hommes, surtout des croyants. Mais ils sont déjà sauvés. T'es plus le sauveur, ils sont déjà sauvés, là. Mais t'es encore leur sauveur, t'es sauve encore aujourd'hui. Dans le sens de la persévérance. Oui. Tu me sauves de ne pas suivre les faux docteurs. Tu me sauves de ne pas m'éloigner de la foi. Tu me sauves de ces hypocrites qui veulent m'entraîner, de ceux qui veulent me pousser dans un autre direction. Tu me sauves quotidiennement pour tu me gardes de suivre mes tendances de chair, de suivre le monde qui veut m'influencer. Tu me sauves jour après jour pour que je continue dans la foi. Sens-tu ce besoin-là tous les jours de ta vie? Que Dieu te sauve aujourd'hui encore, qu'il te garde d'être entraîné vers le monde et les plaisirs. Puis la folie de ce monde dans lequel. Est-ce que tu sens ce besoin-là ou si tu dis, ben non, pas besoin de ça. C'est vraiment important de saisir ça. Il dit, Dieu est le sauveur. Dieu fait du bien à tous les hommes, mais d'autant plus à ses enfants. Dieu délivre des hommes, mais il délivre surtout ses croyants. Donc, c'est dans ce sens-là qu'il faut le comprendre, je crois. Sans ça, ça ne fait plus de sens. OK? Puis, c'est pour ça qu'il va dire tout à l'heure, tu vas te sauver toi-même et tu vas sauver ceux qui te suivent. C'est la même vérité, là. Donc, il y a une partie, ils vont trouver avec ça. La main droite, Dieu est mon sauveur, il me sauve. Tout à l'heure, il va dire, sauve-toi toi-même, avec la main gauche. Vois-tu? Moi, je t'en dis, je te sauve, mais toi, sauve-toi toi-même. Tu dis, ouais, oh, attends, l'équilibre de la vie chrétienne. L'équilibre de la vie chrétienne. Paul, il croyait à ça, je crois. Il dit au verset 11, déclare ces choses, enseigne-les. Que personne ne méprise ta jeunesse, mais soit un modèle pour les fidèles en parole, en conduite, en amour, en foi et en pureté. Voyez-vous une différence entre déclare ces choses et enseigne ces choses? C'est quoi la différence entre les deux? Déclare peut-être plus autoritaire. Ça pourrait être des fois, mais je ne crois pas que le texte ici, c'est ça. Déclare, c'est pour tout le monde. Tu cries haut et fort. Puis enseigne, c'est à tes croyants, à tes frères, mais que ça reste plus en mémoire, qu'on s'attache à ça. Que ça mais ici, est-ce qu'il va déclarer ces choses-là aux chrétiens convertis, tu veux dire? Non, chrétiens. Oui. Aux non-chrétiens? Aux chrétiens. Aux chrétiens, c'est un chrétien, ça. Donc, dis ces choses-là que je viens te dire aux chrétiens. Ne fais pas juste les dire, aide-les à les mettre en pratique. L'enseignement, ce n'est pas juste de la connaissance intellectuelle. C'est pour ça que tout de suite après, il dit, mais sois un modèle pour les fidèles, en parole, en conduite, en amour, en foi, en pureté. Ne fais pas juste les déclarer. Montre-leur comment faire. Montre-leur comment le mettre en pratique. Enseigne. Le mot enseigner, ça ne veut pas juste dire, dis que la planète Mars est à 3 millions de kilomètres. Ah! Je l'ai enseigné. Non, c'est pas ça. C'est pas juste des déclarations dans ce sens-là. Si je dis que Jésus-Christ aime, si je dis à quelqu'un, ben, se marier, ce n'est pas interdit par Dieu. Maintenant, je vais t'enseigner pourquoi. Je vais te le dire pourquoi. Je vais te le montrer pourquoi. Puis tu vas me voir le vivre que je peux me marier. C'est pas contre Dieu. C'est pas juste les dire. T'sais, avez-vous déjà fait ça à vos enfants? Fume pas, c'est pas bon pour la santé. Fume pas, c'est pas bon pour la santé. Fume pas, c'est pas bon pour la santé. Je te l'ai déclaré, je te l'ai dit. Fume pas, c'est pas bon pour la santé. Ceux qui ont fumé dans votre gueule, peut-être que vous l'avez dit à vos enfants. Pas bon pour toi, c'est trop jeune. Attends, t'es trop jeune. Pareil comme si à 18 ans, là, c'était bon pour toi. À 14 ans, c'était pas bon pour toi. Mais ça fait une différence. Pour celui qui est à l'œuvre de Dieu, là, il fait pas juste enseigner. C'est plus qu'un enseignant d'université qui enseigne des mathématiques là, puis qui ferme les livres après. Par rapport à Dieu, c'est que il met le punch là. C'est pour ça qu'aussitôt que j'enseigne, que je déclare des vérités par rapport à la foi, il faut que je le vive. Il faut que je le vive aux côtés. Sans ça, ça ne marchera jamais. Puis c'est tout pareil, autant pour nous autres que pour le pasteur ou les enseignants, c'est tous les chrétiens. Là. En tant que parent, je dis à mes enfants des vérités par rapport à Dieu, il faut qu'ils voient que je les vive aussi. Là. OK? Maintenant, je suis allé déjeuner avec ma famille, on est venu à parler de ça encore une fois. Et j'ai dit, en tout cas, je n'ai pas besoin de tout dire, mais ce n'est pas juste de dire, est-ce que les gens le voient? Est-ce que les gens le voient? C'est important qu'ils le voient. C'est important qu'ils le voient. Qui comprennent eux autres, ça veut dire quoi ça quand tu dis ces affaires-là? Toi, François, tu dis là, que tu adores Dieu, mais ça veut dire quoi la différence entre toi et moi? Tu es assis au même restaurant que moi un matin. C'est quoi ça veut dire pour toi adorer Dieu? Tu sembles dire que moi, j'adore pas Dieu. Là, il faut que j'enseigne, il faut que je l'explique, il faut qu'il voit comment je vais le faire, comment je le fais. C'est une différence. Déclarer des vérités, même un inconverti peut déclarer une vérité. Et il ne peut pas l'enseigner parce qu'il n'y a pas. OK? Dans ce sens-là. Jusqu'à je vienne, applique-toi à la lecture. Là, on va voir. Là, on va commencer à dire sauve-toi toi-même. OK, là? Jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. Ne néglige pas le don qui est en toi, qui t'a été donné par la prophétie, par l'imposition des mains des anciens. On a vu que le don, c'était le don d'évangéliste que Timothée avait. Tu l'as reçu par l'imposition des mains. Je vous ai-tu déjà expliqué, on a eu le temps, quelques minutes, ça veut dire quoi, si vous pensez? Est-ce que je dois avoir les positions, moi, des anciens, en tant que pasteur? Vous avez vu ça dans des églises? Qui a déjà assisté à l'imposition des mains à un pasteur? Un, deux, trois. Les autres n'avaient pas assisté à ça, vous autres non plus. Donc, des fois, vous savez ça dans les églises. Quelqu'un décide d'aller dans le ministère à plein temps, d'autres pasteurs vont venir, 10, 15 à l'entour d'eux autres, vont mettre les mains dessus, vont prier. T'as vu ça? Bah, ouais. La plupart des églises le font une fois de temps en temps. Mais c'est-tu ça que ça veut dire? Je crois pas que c'est ça que ça veut dire ici. Surtout le don d'évangéliste. Okay? Le don d'évangéliste, je vous l'avais déjà dit quand on a fait Éphésiens 4, je ne crois plus que ce don-là existe aujourd'hui. Je ne crois plus qu'il existe aujourd'hui. Dans l'Église, tu as des évêques et des serviteurs, c'est tout. Je ne crois plus qu'il y a des évangélistes. C'est pour ça que dans le Nouveau Testament, on a juste deux fois. Philippe est un évangéliste et Timothée est un évangéliste. On n'a pas d'autre de nommer dans cette direction-là. Ils sont nommés, ce mot-là revient, dans Éphésiens avec la liste de apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs, docteurs. Là, il est en train d'expliquer ces quatre personnages-là, c'est des dons de Dieu, des dons d'hommes à l'Église, pour mettre le fondement de l'Église. Dans le contexte des lois, c'est pour mettre le fondement de l'Église. Quand le fondement de l'Église a été mis en place, ces choses-là ont disparu. Parce qu'on dit, il n'y a plus d'apôtres, mais il y a encore des pasteurs docteurs. Mais pourquoi tu divises le verset en quatre à toi, là? Il y a encore ça, mais il n'y a plus de prophètes. Je suis baptiste, il n'existe plus les prophètes. Des pasteurs, oui, des évangélistes aussi, il y en a, mais il n'y a plus d'apôtres, il n'y a plus de. C'est nous autres qui divisent ça, là, puis ça fait notre affaire de même. Mais le texte ne parle pas de ça. Le texte parle de fondement, pour mettre en place le fondement de l'Église. Donc ici, l'apôtre Paul, il parle que Timothée a reçu un don d'évangéliste, il dit, exerce ton don d'évangéliste, Timothée. Exerce-le. Ce don-là que tu as reçu de la part des anciens, exerce-le dans l'église d'Éphèse. Occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier à elles. Exercer la piété, donne-toi tout entier à elles, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Les progrès, hein? On en a déjà parlé des progrès. Faire des progrès. Vous faites des progrès dernièrement. Comment vous allez savoir si vous faites des progrès? À vous garder vos progrès, à vous compter vos progrès, à vous bénir Dieu pour vos progrès. Si vous ne le savez pas, vous avez fait un progrès, vous ne pourrez pas bénir le Seigneur si vous ne savez pas que vous en avez fait. Et c'est intéressant de faire ça. Prends un gars comme Roger qui court des marathons, il va prendre, hein, minuterie. J'ai couru en temps de choses, j'ai couru, puis mon but c'est d'atteindre, je ne sais pas, moi, 2h30 ou 4h30, je ne sais pas comment tu veux faire, ton 41 quand même? 42. Il va timer ses affaires. Il va comprendre ses affaires pour faire des progrès. C'est encouragé à ça de dire, j'ai couru 3 minutes de moins, mais 3 minutes. Je fais des progrès. Dans la foi, je crois qu'il faut comprendre, je veux faire des progrès. Et quand je m'aperçois que j'ai fait un progrès, il me semble, c'est automatique. Je vais louer le Seigneur. Je vais rendre grâce à Dieu automatiquement. J'ai fait des progrès. Je sais que j'ai fait des progrès avec la main droite, mon sauveur. Avec ma main gauche. Faites les deux. Donc, je vais louer le Seigneur. Mais si je ne suis pas conscient que je fais des progrès, je n'ai pas tendance à louer le Seigneur, je n'ai pas tendance à me glorifier pour ça. Je vais m'avoir emmené plus loin dans la foi. Donc, il dit, fais tes progrès pour qu'ils soient évidents pour tous. Ça veut dire que les gens peuvent te regarder. Hein? C'est évident. Ça veut dire ça? Non, ça ne veut pas dire ça. Que si tes progrès sont évidents pour tout le monde, ça veut dire qu'il y a du monde qui te regardait faire. Qui ont vu que tu avais changé, qui ont vu que tu étais plus loin que le 6 mois ou un an. Parce que sans ça, ce ne serait pas évident. C'est pour ça qu'on parle ici surtout de l'exercice, parce que les gens ne peuvent pas savoir si j'ai la Bible une demi-heure, depuis 15 minutes, il faut que ça se manifeste à un moment donné quelque part. Donc, il dit que si ton progrès est évident, automatiquement, les gens vont avoir tendance à voir ça. Là, il va dire au verset 16, « Veille sur toi-même. » Veillez sur soi-même. « Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu vas te sauver toi-même. Va te sauver toi-même. Alors, il parlait de Dieu tel sauveur de tous les hommes. Puis ici, il dit tous les hommes se sauvent eux-mêmes. Tu assureras ton salut. Ça dépend du salut qu'il veut parler. S'il parle du salut, de la justification, je dirais non. Okay? Mais s'il parle du salut dans le sens de garder la foi, et que tu vas te sauver, et ceux qui vont constater tes progrès, ceux qui vont voir que tes progrès sont évidents, mais les autres, ils vont vouloir te suivre, et tu vois, ils vont être sauvés eux aussi. Et le mot sauver ici, là, c'est pas justifier, là, qu'on parle. Tu vas te protéger de tout ce qui se passe autour. Tu vas te garder dans la foi. Tu vas te garder dans la vérité. C'est ce qu'il est en train de dire. Tu vas te protéger des faux docteurs ou des fausses doctrines qui rentrent, de toutes sortes de faits qui vont rentrer. Tu vas te protéger de t'éloigner de la vérité. Puis tu vas protéger les autres. Donc, si tu te protèges toi-même et que tu te sauves toi-même, tu vas devenir un sujet de salut pour d'autres. Ceux qui te regardent, ceux qui t'écoutent dans l'église, ceux qui parlent avec toi en train de souper, tu vas devenir un sujet d'encouragement ou de sauveur. Tu vas dire, « Hey, comment t'es arrivé là? Puis comment tu fais? » Il y a un encouragement à la persévérance, à aller de l'avant, à remercier Dieu. On se sauve mutuellement, là, jusqu'à c'est un point, en s'encourageant de cette façon-là. Donc, c'est important qu'on le comprenne. Je ne peux pas redresser l'Église si je ne me sauve pas moi-même. Je ne peux pas. Essayez pas de sauver les autres si vous ne sauvez pas vous-même, premièrement. Il faut se sauver nous-mêmes. Et là, les gens qui nous voient, ça ne va pas les aider, eux autres aussi, à revenir dans la vérité. Donc, c'est ça qui est important. Il ne faut pas le voir ici comme une espèce de fardeau de dire « Ah, oh, c'est pas ça, ça, t'es beaucoup exigeant. » Change ta cassette. Tu ne le fais pas pour ça. Tu le fais pour que ton Dieu soit glorifié. Et je trouve qu'il y a un parallèle quand il parle d'exercice physique, tout ça. Le temps là, tu t'entraînes beaucoup. Ça ne prend pas tant de temps que ça à pas t'entraîner pour perdre rapidement les progrès. Puis c'est la même chose avec l'exercice de la piété. Je me souviens, j'avais un bonhomme qui était venu chez nous à Vendor. Je le connaissais parce qu'il était au même gym que moi. Puis en se parlant de même, il me dit tu sais, François, j'ai déjà été M. Québec. Mm. Non, je ne sais pas. Il m'a dit, que ça n'a plus l'air de ça. Ça part vite. Ça s'en va vite, cette affaire-là. Si j'arrête l'exercice, là, j'arrête le gym, là, ben, toute la musculature, tout ça, ça s'efface parce qu'on n'utilise plus de la graisse, ça commence. Ça part. Et dans la foi, c'est un peu le même principe. Je ne peux pas dire, je prends des vacances pour 6 mois. Tu vas pas. C'était quelque chose de constant, de continuel. Et parce que, vous avez déjà entendu dire, le diable ne dort pas, lui. Hein? Le diable ne dort pas. Il en dit qu'il va venir de tous les côtés, toutes les médailles. Mais la première étape que Paul dit à Timothée dans notre texte, c'est « Sois conscient que dans les derniers temps, il va y avoir des faux docteurs qui vont séduire les croyants puis ils vont abandonner la foi. » Si tu n'es pas conscient premièrement de ça, le restant du chapitre, tu ne le feras pas. Si tu ne comprends pas que t'es pas, que c'est là, puis que tu dois veiller, puis tu dois dénoncer, puis tu dois avertir, hey, ça ne vient pas de Dieu. Ça vient des êtres humains, c'est une tradition. Tu as ça un bien belle, mais ça ne vient pas de Dieu, cette affaire-là. Gardez toujours cette idée-là. Avez-vous déjà assez de voir dans l'Église que vous avez vécu, vous avez 25 ans, 30 ans, 40 ans de vie chrétienne, et de regarder en arrière et dire, quelles sont les doctrines de démons, si je peux dire ça, mais ça paraît spectaculaire, les doctrines de démons à laquelle j'ai déjà cru. Déjà, arrêtez-vous de penser à ça. C'est quoi les fausses doctrines que j'ai déjà cru, que je ne crois plus aujourd'hui? C'est un exercice comme un autre. Quels sont les. J'ai-tu déjà cru à des choses pas vraies, que je trouve aujourd'hui qui ne sont pas vraies? Hein, c'est non. J'ai toujours cru la vérité. Moi, je n'ai jamais été dans l'erreur. On a déjà cru. On a déjà cru, donc ça veut dire qu'il y a des gens qui nous ont emmenés ou nous ont emmenés à croire des choses. Qui, puis on l'a cru, puis on s'est battu pour ça même, on a défendu ça. Avec les ongles qu'on dit, pour dire c'était ça de la vérité, puis c'était ça de la vérité, puis d'un coup, 5 ans après, 10 ans après, on s'aperçoit qu'on s'était trompé. Mais je peux vous garantir que vous en avez encore dans votre vie de ça, comme moi j'en ai encore. Si je ne les cherche pas, je ne les trouverai jamais. Je vais juste croire que je serai, puis ça va continuer comme ça. Mais si je les cherche, je vais les trouver. Avec l'aide de Dieu, bien entendu. Parce qu'on est conscient qu'on n'est pas infaillible, qu'on n'est pas parfait. Puis qu'on est vulnérable à l'influence des gens autour de nous. C'est vulnérable. On est des gens, on aime être accepté des gens, on aime être approuvé par les gens, on n'aime pas être la brebis noire dans le troupeau blanc. On n'aime pas ça naturellement. Donc si on voit que tous les gens s'en vont dans une direction, on a tendance à rentrer dedans. Le premier petit pamphlet que j'ai donné en tant que chrétien, un des premiers, en tout cas si c'est pas le premier, mais un des premiers, c'était « La foule peut se tromper ». La foule peut se tromper. La foule n'a pas toujours raison. Et ça m'a marqué. La foule peut se tromper. Donc, ça nous aide à bien comprendre ces choses-là et à dire comment je peux faire, qu'est-ce que je peux faire pour travailler à mon salut, si je peux dire ça comme ça. Comme un autre texte le dit, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Vous souvenez de ce verset-là? C'est à peu près dans la même direction ici. Là. Paul, ce n'est pas la première fois qu'il dit ça. Si vous lisez les autres épîtres, il dit ailleurs aussi. Là. Travaillez avec votre salut avec crainte et tremblement. C'est quoi ce qu'on fait là? Mais pourtant, il parle à peu près de la même chose hein, dans notre contexte. Je crois que quand on va faire la deuxième épître, vous allez voir que Paul, il est conscient que lui tout dans sa vie, après 20 ans, 30 ans, ça fait peut-être qu'il va mourir, ça fait peut-être une trentaine d'années qu'il est chrétien, 30, 40 ans qu'il est chrétien au maximum. Puis il en a vu débarquer des coins. Il en a vu des croyants s'éloigner de la vérité. Il va nous en parler dans la deuxième épître. Il a même peur que Timothée glisse. Parce que Timothée avait honte. Honte. Il dit, n'aie pas honte du Seigneur Jésus et de mes chaînes. N'aie pas honte, Timothée. Ça nous arrive des fois. Ça nous arrive des fois. Donc, le Seigneur peut nous aider à travailler ou veiller sur nous-mêmes. Veiller sur nous-mêmes. Et ça prend du temps, ça prend de l'énergie, ça prend un exercice de la piété. Ça prend du temps. Que le Seigneur puisse nous aider là-dedans. Si vous voulez tourner avec moi, on va tourner dans l'Épître aux Philippiens, chapitre 2, on va prendre le repas du Seigneur. Pensez que le repas du Seigneur, c'est on exerce la piété en faisant ça. Je crois que oui. C'est un exercice. On fait de quoi? Là. C'est pas juste notre tête. On fait de quoi? On se rappelle de quoi? On exprime notre foi de cette façon-là. Mais l'apôtre Paul, dans Philippiens, c'est pas le temps de tout vous donner le contexte de l'épître aux Philippiens. L'épître aux Philippiens a souvent été appelé l'épître de la joie. C'est dans cette épître-là qu'on parle le plus souvent de la joie du chrétien. Et quand vous pensez à la joie du chrétien, souvent on pense à ce qui nous arrive à nous, qui nous rend joyeux. Hein? Quand quelqu'un vous regarde et dit « Hey, t'as l'air joyeux aujourd'hui! » qu'est-ce qui est arrivé? Là, on parlera pas de ce qui est arrivé aux voisins de la troisième rue plus loin. Là. C'est pas ça qui nous rend heureux, là, vraiment. Là. À moi, c'est ça notre gars, là, notre fille. Mais habituellement, quand les jeunes voient rue, qu'est-ce qui t'arrive? Ah, ben j'ai fait ci, ah, j'étais allé là, j'ai vu ça, il m'est arrivé de la. Là, ça nous a causé de la joie. C'est ça qu'on visite habituellement. Mais la joie du chrétien est un peu nuancée. Ce n'est pas tout à fait ce qui nous arrive à nous, premièrement. C'est ce que l'auteur nous parle ici. Verset 1. Si donc il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans l'amour, s'il y a quelque communion d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite. Et où là, on parle de joie ici. Ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée, ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous. Une bonne définition d'humilité, hein? L'humilité, c'est que tu regardes les gens comme étant au-dessus de toi. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Dites pas de ne pas considérer les nôtres, mais aussi ceux des autres. Puis là, il va donner l'exemple suprême de ça. Il va parler de celui qui s'est humilié à l'extrême. Qui a vu l'autre comme étant plus important que lui. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Existant en forme de Dieu, en parlant de Jésus, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme une proie attachée, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur et devenant semblable aux hommes. Il a paru comme un vrai homme. Il s'est humilié. Il ne s'est pas humilié sur la terre. Comprenez bien votre texte, non? Il s'est humilié dans le ciel. Il a fait passer Dieu le Père avant lui. Il voit, il est Dieu, il est égal à Dieu. Il l'est dit dans le texte, il est égal à Dieu. Mais il s'est humilié en disant le bonheur de mon Père ou la gloire de mon Père est plus importante que la mienne. C'est grand ce qu'on entend là à l'intérieur de la Trinité. Il dit, il s'est humilié lui-même en se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pas premièrement pour nous qu'il fait ça. C'est pour son Père, dans le ciel. Il s'est humilié. Nous autres, on a de la misère à s'humilier, mais lui, il dit... Je vais faire passer les besoins de mon Père avant les miens. C'est un bel exemple d'humilité. Et le repas du Seigneur, c'est Jésus s'est humilié devant son Père et dit que ta volonté soit faite. Ta gloire est plus importante que la mienne. C'est pourquoi, quand tu t'humilies de la sorte auprès de Dieu, Dieu réagit avec son Fils. Dieu réagit avec son Fils. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Il lui a donné le nom au-dessus de tout nom, afin que, au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans les cieux et sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est le Seigneur à la gloire de Dieu le Père. C'est tout un exemple qui nous est donné là, de quelqu'un qui dit « Ta personne est plus importante que ma personne. » Si Jésus l'a fait envers le Père qui était son égal, nous, envers le Père et envers Jésus-Christ, va-t-on finalement s'humilier et dire « Tes besoins sont plus importants que les miens. Ta personne est plus importante que ma personne. » on va-tu finir par dire, puis le vivre. C'est plus, t'es plus important que moi. Et c'est vraiment quelque chose de merveilleux de voir à quel point, s'il y en a un qui aurait pu rester assis et dire, je suis ton égal, pourquoi ce serait moi qui irais? Non. Il dit, puis là, lui, dans notre contexte, il dit aux chrétiens d'agir de même. Puis un peu plus bas dans le texte, il va dire, il n'y a personne ici avec moi qui se soucie de la gloire de Dieu. C'est vraiment spécial. On a commencé notre vie chrétienne en pensant que Dieu était là pour nous autres, puis il était venu mourir pour nous autres, puis il faisait sa fête pour nous autres, parce qu'il nous aimait tellement, puis on était tellement gentils, on devait être sauvés d'une façon quelconque. Et d'inverser ça dans notre tête, là, ça prend du temps d'inverser l'idée. Et il est venu premièrement, parce qu'il s'est humilié devant son Père, puis il dit, tu es plus important, je vais aller mourir afin que tu sois glorifié par tout le monde. Et le Père retourne l'appareil, puis il dit, ben, à mon tour, moi je vais t'élever maintenant au plus haut, et tout le monde va te glorifier. On ne pourra pas être élevé avec lui si on ne s'humilie pas avec lui. On ne pourra jamais être élevé avec lui si on ne s'humilie pas avec lui. Jamais. C'est ce qu'il dit ailleurs. Si vous ne mourrez pas avec lui, vous ne pourrez pas avoir la vie avec lui. C'est la même affaire, la même vérité. Donc, en prenant le repas du Seigneur, l'apôtre Paul, il dit, si vous faites cela, vous faites ma joie, mais en même temps, vous faites la joie de Dieu et la joie de Christ. Hein? Parce que le Christ le fait pour que son Père soit élevé. Et c'est vraiment spécial. On peut causer de la joie à Dieu. On peut pas faire rire dans ce sens-là, mais on peut causer de la joie à Dieu. Et en prenant le repas du Seigneur, on veut lui dire, t'es plus important que nous. Il s'est humilié, lui, pour que tu sois élevé. Moi, je prends le repas pour te dire que je m'humilie aussi pour que tu sois élevé. Moi aussi, je prends pour te dire que je me suis humilié pour que tu sois élevé. C'est l'histoire de l'Église. L'Église, c'est ça qu'a dit l'Église. Dieu est au-dessus de nous, plus important que nous. Il est assis sur le trône, on est ses serviteurs, on veut le servir le restant de notre vie, toute notre vie. Donc, ça veut dire qu'on s'est humilié de lui. Il dit qu'il est devenu serviteur. Donc, c'est humilié. Nous aussi, on est devenu serviteur. Donc, quand on parle du repas du Seigneur, c'est qu'on fait un avec quelqu'un qui est devenu le serviteur de son Père. Et nous autres aussi, on fait le même geste, on s'humilie avec lui, on devient son serviteur de Dieu. Nous, on dit souvent, oh, ben, on veut juste se rappeler qu'il nous a sauvés, on veut juste se rappeler qu'il nous a sauvés. Oui, c'est vrai. Il m'a sauvé pour qu'il soit être glorifié. Donc, on va passer ce repas-là ensemble, et je vais demander on va demander au nouveau, les deux petits nouveaux. Ah, non, ok, je m'excuse. Bon, ben, on va prendre les deux vieux là-bas, là. Chantal, puis bon. Je suis content que tu as pointé. Thank you. Vois-tu dire en prenant ce pain ou en prenant ce biscuit? Ça ne fait pas grande différence. Hein? Donc, en prenant ce pain et qui était. Comment est-ce que tu dis ça, Catherine? Qui était. Écrasé. Écrasé, comment est-ce que tu dis ça? Égrené. Comme son corps a été égrené, le pain a été égrené, et on se souvient qu'il a souffert. Il a souffert. Et tout ce geste-là de la croix, c'est un acte d'humilité qu'il lui fait devant son Père. C'est premièrement ça qu'il fait. Et j'accepte la souffrance, la mort, pour que toi, tu... Je veux montrer au monde que tu es plus important que moi. Que tu es plus haut que moi. Donc, on va manger ce pain en se souvenant des souffrances qu'il a subies pour la gloire de son Père. Ensuite, il a pris la coupe qui représente son sang, qui représente la mort. Il a même accepté la mort. Il dit, il est allé jusqu'à la mort de la croix. Pas juste la mort, mais la mort de la croix, qui était une mort plus souffrante encore. Afin que Dieu soit élevé. Mais quand il parle pas juste lui. Il parle que nous, on est avec lui dans ce geste-là, parce qu'on va s'affilier avec lui, on va devenir un avec lui. Donc, on fait le même geste, on meurt avec lui, nous autres aussi, là, puis on va revenir à la vie avec lui. Mais on fait ce geste-là avec lui. Donc, c'est un geste que nous autres aussi, on fait d'humilité envers le Père, et on boit en mémoire de sa mort à la croix. Notre bon Père du ciel, on a de la misère à s'imaginer qu'est-ce qui s'est passé devant ce trône, si je parle à la façon de l'Apocalypse, à l'intérieur de cette bulle qu'on appelle la Trinité. Comment ça s'est passé, tout cela? Cette planification-là du salut, l'exécution par le Fils, l'application par le Saint-Esprit. Il y a eu toute une, je peux dire ça à la manière des humains, une discussion. Il y a un accord qui s'est établi. Qui ferait quoi? Le texte qu'on a lu aujourd'hui, tu nous dis que le Fils s'est humilié. Il n'a pas regardé comme une proie arrachée d'être égal. Mais il s'est humilié lui-même. Il est allé jusqu'à la mort de la croix. Afin que son Père soit glorifié par un peuple nouveau pour l'éternité. Ô notre Dieu, on te demande que tu puisses nous aider à pas juste déclarer ces choses comme on a vu, mais aussi les démontrer, les enseigner en parole, en action, afin que d'autres puissent te glorifier aussi. Et nous te prions ces choses au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Amen. Bonne semaine à chacun de vous.